Les nouvelles des activités révolutionnaires du dirigeant suprême Kim Jong-un ont été rapportées dans divers pays et régions. L'agence de presse russe TASS, le réseau chinois Planète, les homepages d'Internet du Comité national d'études des études du Congo démocratique et de l'association d'amitié Pektusan-Tchèque-Corée ont présenté que le dirigeant suprême Kim Jong-un a inspecté l'Institut d'architecture Pektusan, transformé en exemplaire et standard du secteur de plomb. L'agence de presse Lia Novosti, les journaux Lossiskaya Gazeta et Argumenti i Fakti, la télévision d'Internet Mir 24 et la revue d'Internet Lemchichi de Russie, les radios nationales, internationales et en cette langue nationale de Guinée, l'ombage d'Internet du Forum allemand anti-impérialiste Nouvelle des inspections, les ombages d'Internet de l'association d'amitié Pektusan Tchèque-Corée, du Comité national nigérien d'études du kimilsonisme Kim Jong-ilisme et du Comité africain pour l'amitié et la solidarité avec la Corée siégeant au Nigeria, ont informé de sa direction des exercices de lancement des fusées balistiques des troupes d'artillerie façon des forces stratégiques de l'armée populaire de Corée. Les internets allemands et nigériens ont rapporté que le dirigeant suprême Kim Jong-un a visité l'école révolutionnaire de Mangandé pour planter les arbres avec les élèves à l'occasion de la journée du reboisement. Le journal népalais Afan a présenté avec cette nouvelle l'inspection du commandement de la grande unité combinée 966 de l'armée populaire de Corée. Les médias ont inséré les photos du dirigeant suprême Kim Jong-un.